Chapitre 6. La contrée nouvelle. Des jours encore, et toujours la forêt. Vamiré commençait à douter qu'elle se terminât. Pourquoi ne serait-elle pas la frontière du monde? Les rapides pourtant diminuaient de nombre. Sauf l'attaque d'une panthère fondant sur lui du haut d'un arbre et dont il avait déchiré les entrailles, sauf le tourment des infiniment petits qui harcelaient sa chair, sauf la menace des reptiles, Vamiré n'avait eu d'ailleurs à vaincre que les embûches de l'inanimé, les perfidies de la terre marécageuse et des plantes enchevêtreuses des havres. Plus habile continuellement à deviner le péril au seul aspect des eaux et de la terre, il s'accoutumait à rire de ces obstacles. Un orgueil plus fort bondissait dans son cœur et dans ses chairs. Cependant, vers le 60e jour, voilà que parut s'éclaircir la végétation. Deux ou trois fois des trouées se montrèrent, des coins sylvestres neufs, où les arbres poussaient plus chétifs, où les colosses séculaires se faisaient rares. À d'autres indices encore, à la présence de bêtes qui aiment la proximité des espaces libres, à la nature des terres, Vamiré put pressentir le succès de son entreprise. Deux jours plus tard, ses derniers doutes disparurent. La rive gauche lui montra de vieilles steppes, à peine transmuées en forêt, où les arbres se disséminaient toujours davantage. Vers le milieu du 68e jour, il amarra son canot dans une crique choisie. Il s'arma des sagaies et de la massue et entreprit une découverte à pied vers l'ouest. Le sol était ferme. Les gramènes et les plantules dominaient de plus en plus sur les arbres. Vamiré, après quelques heures, arriva sur une colline d'où il dominait la contrée. Au nord, une perspective sinople, violescente, noircissante, la forêt-océan où coulaient les féeries du rayon, où la vie se tapissait innombrable et subtile. Au sud, le dévalement de steppes, entrecoupé d'oasis, la perspective d'une contrée de chasse et de libre circulation, la contrée nouvelle que Vamiré avait désiré connaître, et dont l'apparition lui enfla la poitrine triomphalement. Avec un rire bas, il songeait à la surprise d'Epsan lorsqu'il conterait son voyage, à la béatitude de Zom et de Namir. Longtemps il resta sur la colline, dans l'extase. Mais le firmament au-dessus de lui s'enfiévra. Deux gros nuages s'unirent, charbonneux, ourlés de phosphorescence. Un souffle angoisseux, giratoire, ascensionnel, étreignit les plantes. Les foudres croulèrent majestueusement sur la forêt. Vamiré aima cet orage. Tout son organisme y respira la force et le mouvement, des émotions concordantes à son état d'âme. Quand se mirent à ruisseler les eaux du ciel, il dénuda ses épaules. Il reçut l'inondation fraîche avec volupté. Pourtant se calma la fièvre. Les nimbus ayonnés, bu par les tiédeurs firmamentaires, poudroyé par les chocs électriques. À peine si les gramènes gardaient l'humidité pluviale. La terre avide avait tout aspiré. Vamiré marcha avec délice vers le paysage d'après-pluie. Les derniers vestiges sylvestres s'évanouirent. Rien ne demeura que les steppes immenses entrecoupées de massifs. Les nues éparpillées se jetaient en draperies éphémères devant le soleil. Une ombre légère, à toute minute, rafraîchissait les perspectives. D'ailleurs, le soir approchait. Vamiré s'arrêta vers le crépuscule, au rebord d'une oasis, et y passa la nuit. Il se remit le lendemain en route, résolu au retour, s'il ne survenait pas d'aventure, ayant découvert ce qu'il désirait. De nouvelles terres de chasse. Des empreintes d'urus et d'auroch, de cerfs et laf, de chevaux, lui assurait la fécondité du terroir, et il projeta une grande expédition de jeunes psanes pour l'année suivante. mais vers les deux tiers de ce jour-là, il survint une aventure assez considérable. C'était durant une halte, alors que le nomade achevait de manger une couple de cailles abattues au passage. Abrité entre des figuiers sauvages, il vit s'avancer une femme. Elle approchait, vêtue de fibres d'écorce entremêlées de gramènes de la savane. Vamiré se dissimulait davantage. Le flot qui clapotait en lui, du cœur à la cervelle, charriait l'angoisse et la suavité. La certitude qu'elle était jeune se vérifiait non seulement par l'approche, la visibilité accrue, mais par la cadence marcheuse, la vacillation souple des hanches. À 30 pas, elle se décela pubère à peine, frêle vierge aux très grands yeux, surprenant Vamiré de sa dissemblance avec la fille coutumière d'Europe, au crâne allongé, aux fortes allures. Sa face un peu ronde, pâle comme les nuées printanières, ses cheveux pareils à la moire des étangs par les nuits sans astres, sa taille brève et plus comparable à celle des frênes qu'à celle des peupliers, et le port de sa personne, et la forme de ses lèvres comme celle de son front, et la coupe de ses paupières, tout évoquait la race lointaine, l'humanité grandie depuis des milliers de siècles, sans contact avec les hordes nomades de l'Occident. Vamiré, de même que l'herbivore étranger depuis des siècles aux contrées fauves, garde l'instinct atavique de reconnaître le grand tigre, Vamiré percevait la distance de son organisme à celui de l'adolescente. Une divination lui prédit des choses toutes nouvelles en ce coin du monde où son caprice l'avait menée, et cette préscience de l'inconnu le tint anxieux, hésitant à fondre sur la proie d'amour, une horripilation sillant à travers ses fibres comme l'approche de l'orage sur les nerfs de l'oiseau. Et dans son imagination barbare, fouettée par un sang électrique et tout l'amour de mai, l'étrangère parut infiniment désirable. Enfant de l'art enclin à la volupté des contrastes, il fut capté aux longs cils de duvet noir, à la démarche trembleuse, à la précision des contours, l'animalité charmante de la prunelle, et sa résolution fut prise. Mais pendant son hésitation, la passante avait frôlé l'embuscade et déjà se trouvait à 100 pas. Vamiré s'enleva d'un élan avec la rapidité d'un étalon. Au bruit, se tournant, la jeune vierge vit venir Vamiré. Dans l'épouvante, avec une clameur plaintive, elle tenta la fuite. Elle froissait les grandes herbes, légères, mais sans espérance d'échapper au formidable chasseur. Et deux, trois fois, elle tenta de tourner, se dérober par des massifs, par des tangentes. Il la serrait de plus près toujours, retardé uniquement par le plaisir à voir flotter les cheveux de la fugitive et s'infléchir en courbe charmante son jeune corps. Enfin, elle le sentit contre elle, levant de son haleine sur sa nuque. Elle s'arrêta, elle se tourna. Les prunelles paniquent, la poitrine turgescente sous les gramènes de son vêtement. Elle levait les bras en supplicatrice, avec un jusant de confuses paroles. Le nomade écouta, immobile devant elle, bientôt convaincu de l'impossibilité de comprendre cette langue plus rapide que la sienne et plus sonore. Mais le langage de nature, la terreur inscrite sur les lèvres et les paupières de la passante, les murs de pitié. Moins vive, plus profonde, errèrent des impressions neuves par son organisme, ébauche de poèmes sauvages, et recul des brutalités voluptueuses devant la tendresse. Comprit-elle? Eut-elle l'instinct de son triomphe sur le grand occidental aux cheveux clairs? Moins tremblante, elle continua de murmurer des syllabes où s'entremêlait une indécise malice. Il tenta de répondre, de faire comprendre qu'il ne voulait pas être terrible. Elle observa, attentive, ses gestes de statuaire. Il lui était neuf. Fille des races non plastiques, des races de culte, elle ne concevait que des mouvements amples et monotones, lointains de la nature. Mais plus encore qu'au signe, elle parut surprise lorsque Vamiré, détachant un de ses ornements d'ivoire, le lui offrit. Non sans défiance, elle contempla les lignes gravées sur la petite plaque, la course d'un urus poursuivi d'un fauve. Elle tenait l'œuvre à contresens, sans comprendre. Le nomade, avec un sourire, se mit à indiquer les directions, à mimer le dessin, la troublant davantage. Seulement les yeux de Vamiré, ses interjections, la rassuraient de plus en plus. elle aussi se mettait à sourire. Alors, une joie au cœur, il posa la main sur l'épaule de la passante. Elle recula, revenue à la méfiance. « Vamiré est bon, » murmura-t-il. Subitement, elle fit un bond. Elle frappa ses mains l'une contre l'autre en regardant l'horizon. Vamiré, en suivant la direction de ses prunelles, vit avec ennui un groupe d'hommes accourir. D'un geste un peu espiègle, elle fit signe de fuir à l'occidental. Lui, la main crispée, tâtait ses armes, comptait les survenants. Ils étaient 12, armés de grands arcs et de lances. Devant l'impossibilité de la lutte, une désespérance rageuse le saisit, dit-il déçu et d'orgueil blessé. Vamiré n'a pas peur, dit-il fièrement. Et comme l'étrangère s'éloignait, il la suivit. Il la prit au bras. Elle se débattit, elle cria d'une voix haute. Farouche, il la tira, il la souleva toute. Terrifiée de se sentir légère comme une chevrette sur la poitrine du nomade, elle se défendit sans violence, à timide soubresaut. Lui, prenant du champ, malgré le fait, il tenta la course. Il alla d'une rapidité surprenante, excité par la clameur des poursuivants, et plutôt, en ses premières minutes, fut-il victorieux. Ceux qui le traquaient, d'une race plus brève que la sienne, trapus, ne semblaient pas des poursuiveurs de proie, des hommes aux jarrets de fauve comme les dolichocéphales occidentaux. Agiles pourtant, la lassitude leur viendrait moins prompte, sans doute, qu'à Vamiré, à moins qu'il n'abandonnât son fardeau. Ils n'y songeaient guère, mus du vouloir âpre de la lutte. Il fonçait vers l'est, vers la rive où il avait abandonné son canot. À supposer même qu'il gardât sa vitesse, il ne pouvait l'atteindre avant une demi-journée, longtemps après le crépuscule, après que la lune serait au zénith. Après les premières minutes, la jeune fille cessa toute défense. Femme, après tout, emportée par un mal qui ne la rudoyait point, une curiosité venait à naître, tellement qu'elle se laissait placer la tête et la naissance de la poitrine sur l'épaule de Vamiré. Au loin, sur la savane, elle voyait les hommes de sa tribu. Elle distinguait leurs gestes. Armés de grands arcs et de lances légères, couverts de manteaux en étoffe tissée avec les fibres de la plante et la laine de l'animal, elle les comparait confusément à Vamiré, vêtue de la fourrure du Speléa, armée de la massue et de la sagaie. Elle souhaitait leur triomphe, sans doute, et pourtant aurait voulu sauver la vie du ravisseur. Des virtualités vaniteuses, l'impression féminine que la violence du mal n'était point une injure, la force de Vamiré, l'attraction de l'inconnu, ces choses voguaient par son esprit de mi-barbare, éparpillaient ses vœux. Une heure se passa de course farouche, où Vamiré augmenta toujours l'avance. Plus douce, plus courbe, la lumière ambrait la savane, et l'ombre du chasseur et de sa proie galopait immense vers l'Orient. Soudain, se retournant, Vamiré ne vit plus les traqueurs. Il monta sur un tertre, il les aperçut à plus de 5000 coudées. Un rire de triomphe lui sourdit aux lèvres, et il cria « Héo ! Héo !» Puis il dit à la jeune fille « Vamiré est le plus fort !» Elle détourna la tête, offensée de son rire et de son cri. Il s'assit. Ils restèrent en silence 5 minutes. Le souffle de Vamiré, rauque d'abord et dur, se régularisa. Ses pectoraux se soulevèrent plus rythmiques. Alors il murmura quelques paroles. Elle ouvrit les yeux, leurs regards se frôlèrent. Celui de l'homme était calme et tendre. Elle plissa les paupières, une témérité féminine, malicieuse, dédaigneuse, parut sur sa face. Vamiré s'en inquiétait, en était charmé, la trouvait ainsi plus aimable encore, et répétait moins convaincue. Vamiré est le plus fort. Déjà les poursuiveurs apparaissaient plus proches, il fallait recommencer la fuite. Vamiré regagna de l'avance, et il parut alors évident que c'étaient les autres, et non lui, qui se lasseraient les premiers. D'ailleurs leurs troupes, maintenues ensemble jusque-là, se disjoignit, 3 ou 4 trop fourbus pour suivre encore. Le reste se tenait à peu près en groupe, nul ne se souciant de devancer ses compagnons, retenus par le mystérieux de l'aventure, la taille haute et l'agilité extraordinaire du dolichocéphale. Le jour s'alanguit davantage. L'heure jaune fut là. Sur la savane, un silence moins vibrant, une atmosphère mélancolique et fraîche, un stade de repos. Les oasis éparses épandirent de la vie autour d'elles. Les némosères volèrent en hautes colonnes par-dessus les surfaces moites. Partout s'éveilla un froissement euphonique, des balbutiements de passereaux. Heure de sécurité et de bien-être, où les diurnes n'avaient pas encore à redouter la rôderie des fauves, où les grands ruminants se couchaient sur la plaine dans une sécurité charmante, où quelque chose de la jeunesse du matin revenait dans la chute du jour. La course de Vamiré devint traînante et embarrassée. Mais derrière lui, il semblait que la poursuite fût abandonnée. À l'extrémité de l'horizon, les silhouettes des porteurs d'arc s'étaient évanouies, et c'est en vain que le chasseur essaya de les apercevoir en gravissant un monticule. Pour la seconde fois, il prit du repos, il déposa l'étrangère. Mélancolique, elle resta debout, à côté de lui, comprenant l'inutilité de toute tentative de fuite. Lui, à présent, se sentait trop là pour exprimer son triomphe, inquiet d'ailleurs, car il sentait bien ne pouvoir recommencer cette course. Toutefois, il se consolait à la pensée qu'eux aussi devaient être hors de force. Ils restèrent là, sans une parole. Le soir vint. Après une lenteur auguste, les univers du coloris moururent sur le couchant. Eva Miré tressaillit en voyant sa compagne s'incliner, étendre les bras vers l'horizon et parler au disque du soleil. Fils des Occidentaux non hiératiques, superstitieux vaguement mais sans culte, il ne comprenait guère l'acte de l'oriental. Il la regardait avec curiosité, peut-être avec inquiétude. Quand elle eut terminé, ils restèrent quelque temps encore, jusqu'à ce que la lune se levât. « Viens !» fit alors Vamiré. Elle comprit le geste, et sans résistance marcha à côté de lui. D'ailleurs, dans la solitude de nuit, tandis que le loup et le chacal commençaient à hurler sur les steppes, il devenait l'abri. Elle admira plus profondément sa grande massue, rejetée sur l'épaule et fixée de ligature. C'était déjà, embryonnaire, de l'intimité, de la confiance, une résignation moins farouche. Lui, taciturne, recrue de fatigue, il n'avait pas son ardeur de naguère, le sang de mai plein de molécules généreuses, épuisées en ses artères. Longtemps allèrent leurs silhouettes, tandis que montait la lune préhistorique. Déjà la steppe se couvrait de plus d'oasis. Déjà les arbres se multipliaient en massifs, annonçaient la forêt prochaine. Déjà les rayons tombaient, plus argentés, sur les herbes. Et Vamiré songea que sa compagne devait avoir faim et sommeil. Lui avait surtout soif. « Repose-toi, dit-il. Vamiré va guetter les bêtes. » Elle s'assit, soumise. C'était sous trois figuiers sauvages, trapus et tout parfumés de printemps. Le rêve y coulait entre les ramures, le rêve éternel de la lune et des constellations. La fille orientale y plongea son âme confuse. Elle y percevait la fragilité de son être. Sa famille et sa tribu, les feux du soir, les prêtres, les troupeaux de bœufs asiatiques la hantaient et la tourmentaient jusqu'aux larmes. Mais si seule, elle n'arrivait pas à haïr l'homme qui l'avait volée, le percevait trop comme la seule barrière devant la nuit formidable. Vamiré, dans la steppe, attentif, surveillait l'espace. Des profils de félins apparaissaient par intervalles. Très loin, un cervidé fuyait. Voilà que, né au vent, un loup approcha des trois figuiers. Presque aussitôt, effrayé, un corps bondit, un lièvre. Lancé selon une oblique, Vamiré attendit le point de sa course où il serait le plus proche. Puis sa sagaie se leva, siffla, et le petit animal roula parmi les herbes. Au bondissement du chasseur, le loup prit la fuite et l'homme alla ramasser le lièvre. Rapidement, il le dépouilla, le suspendit à une branche. Puis, amassant des herbes sèches, des rameaux secs, il prit dans un sachet les silex dont les dolichocéphales faisaient le feu. Il étendit des fibres très sèches, fit jaillir les étincelles. Après quelques tentatives, la flamme s'éleva, légère d'abord, puis avivée aux poignées de combustible adroitement disposées. Et le lièvre commença de rôtir. L'Asiatique, à l'éclair du feu, s'inclina comme naguère devant le couchant, avec une semblable mélopée de paroles. Vamiré, impassible, fit rôtir le lièvre. Quand il fut à point, il l'offrit à sa compagne et ils mangèrent en silence. Le repas fut bref. L'un, trop las, et l'autre trop ému pour manger beaucoup. Mais une soif vive les tourmentait. Il ne fallait donc pas songer à faire halte avant d'avoir trouvé de l'eau. Ils se remirent en route. Leur recherche ne dura guère. Après moins de 1000 pas, Vamiré commença de percevoir le ruissellement d'une onde, et bientôt un petit cours d'eau se montra où ils s'abreuvèrent. « Dormir, » dit l'homme. Elle comprit le geste, s'effaroucha, scruta Vamiré. Dans la pâleur lunaire, il avait une face triste, hélas, nullement féroce. Alors elle s'assit contre un bouleau, elle entreferma les paupières, mais défiante encore, luttant contre la lassitude. Les forces la domptèrent, l'inconscience passa sur son être, elle succomba à la demi-mort quotidienne. Assis au bord du ruisseau, Vamiré contemplait les facettes de l'eau, les réticules de la végétation, les meneaux des saules interposés devant la lune. Un songe vaste et paisible comme la nuit naviguait par sa cervelle. Attendri par la fatigue, toute son aventure lui apparut dans des notes lentes, profondes et tendres. L'ascension de la lune, le hurlement des bêtes, la parlerie des fluides, les fantômes arborescents debout sur la steppe, semblaient lui dispenser le temps et l'espace. Pour avoir emporté la Vierge, il la sentait sienne, autant que la peau du Spéléa qui lui pendait sur les épaules. Mais le firmament vacilla, les arbres se transmuèrent en physionomie mouvante. Vamiré sentit à son tour la pesanteur de l'ambiance, le recul de son être, ses chairs soumises au repos. Vaguement, il se traîna sous le bouleau. Il saisit le vêtement de la jeune fille dans sa main et croula sur les herbes. Le temps passa. La lune se mit à descendre la pente du déclin. Elle était à moins de 30 degrés de l'horizon lorsque Vamiré s'éveilla. D'un coup d'œil, il s'assura de la présence de sa compagne. Puis il se mit debout, explorant la steppe. Rien ne s'y montrait d'équivoque. Et il conclut que les poursuivants avaient abandonné la jeune fille, ou que leur fatigue, plus considérable que la sienne, les avait condamnés au repos. Comme il se sentait allègre, ses forces reparues, il résolut d'augmenter encore ses chances et de se remettre en route. Un quartier du Lièvre restait, qu'il divisa en deux à l'aide de son couteau de silex, et dont il mangea une part. Puis, après s'être trempé la tête au ruisseau, quelques minutes il resta en contemplation devant la dormeuse. Elle avait croulé sur le sol. Sa tête délicate reposait sur son coude. Toute sa personne repliée en zigzag avait un charme exotique dont s'inquiétait Vamiré. Un afflux de sang lui gronda par les tempes. Sa sauvagerie s'éveilla toute et il se pencha. Quel instinct, quelle douceur poétique le releva, plein de pitié. Incapable de l'analyser, il ne subit pas moins l'impression. Il éveilla d'une secousse légère sa compagne. Elle se dressa, lente, effarée, les yeux dans le chaos du sommeil. Puis la perception des choses revenue, elle fut triste, regarda sombrement les steppes lunaires, la chute rougissante de l'astre dans les abîmes occidentaux. Cependant, une joie vague la pénétra, la sensation du jour approchant, l'énergique appel du bonheur dans les chairs jeunes. Aussi ne refusa-t-elle pas le sommaire repas que lui offrit Vamiré, et même son appétit revenu, elle prit plaisir à mordre la cuisse rôtie du lièvre. Lui, charmé, regardait ses dents de louve, sa chevelure roulée au long du cou, et je ne sais quelle maternité se mêlait dans le jeune préhistorique à son amour croissant. Furtive, entre ses cils baissés, elle se réaccoutumait à la présence du chasseur, le trouvait plus beau et plus puissant encore que la veille. Mais le souvenir sacré de la tribu s'interposait entre elle et lui et la remplissait de regrets.